Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Groove Tropical. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Ça vient dans crétin, y'a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y'a pas de cachis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les babies, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'épouse, c'est money, baby. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. Ta carte est plug, disons alléluia. Da, da, da. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. La carte des plaques, disons alléluia. Da, da, da. Baby, j'ai le talbini. Vini, vini, pas de mi. Rêve à Lamborghini. J'ai rime sous ça. Campé dans la dame. Bamele, bamele. Full BBL, baby. Bamele, bamele. J'ai rime sous ça. Campé dans la dame. Capis a plus les condamnés. Je remercie Dieu parce qu'on a la santé. Je monte pas, baby, sinon y aura trop de débat. Allez, trop talent. Depuis le vent de rose, n'y a trop talent. Juste qu'elle m'a dit je t'aime, mais c'est trop bas. Bitch m'a dit je t'aime, mais c'est trop bas. Mais c'est trop bas. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, with me, babe, c'est tout droit. La carte est blague, disons alléluia. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, with me, babe, c'est tout droit. La carte est blague, disons alléluia. Baby, je le tangini. Vini, vini, pas de mi. Rêve en Lamborghini. J'ai rime sous ça. Campé dans la dame. Bamele, bamele. Arc-en-ciel 96.2, bienvenue à tous. Si vous venez nous rejoindre à votre émission Groove Tropical jusqu'à 20h, c'est Chantal qui vous accompagne. C'est avec ce titre, 4 campés, que je vous propose de débuter cette émission, un tube interplanétaire grâce à monsieur JDF. On va donner ses initiales puisque tout le monde sait ça maintenant. Qui a fait découvrir le compas quand même, hein, sur une grande chaîne télévisée. Il y a 8 jours, hein, c'était la semaine dernière, on va pas donner le nom. En tout cas, c'est une belle reconnaissance du compas, patrimoine musical qui nous vient d'Haïti depuis presque 70 ans. C'est vrai que c'est un titre que je passe depuis un moment quand même, depuis l'année dernière, à la date de sa sortie. Allez, on continue comme ça, du compas, il va y en avoir beaucoup, il va y avoir du zouk, il va y avoir du zouk rétro. Très très bonne ambiance ce soir, et puis surtout beaucoup de soleil. Très très bonne soirée à ma compagnie, Chantal avec vous jusqu'à 20h, c'est votre émission Groove Tropical. Dans ton manège, passe en arrière, je suis pas prêt de rentrer. Je t'aime en danger, sucré comme un bonbon, je pourrais te manger. Dans ton regard, je vois bien que t'aimes le danger. Donne-moi le mot magique quand on a assez. Je passe les rapports, ta prière, donc dis-le-moi si t'en veux encore. Ton pique, tu veux que je te serre un peu plus fort. Tous les soirs, je vois chat, chat, chat. J'avais des milliers, j'ai choisi toi, toi, toi. Bébé cœur sur nous deux, toi plus moi, moi, moi. Yeah, yeah, yeah, yeah. Prends mon temps, bébé, on j'la connaît depuis longtemps. Y'a pas que ton cœur, je fais longtemps. Mais vivons heureux cachés pour l'instant. Sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Mais on l'en bat de jambes, j'ai vrai. Rachel Guillaume, dans votre émission Groupe Tropical, chanteuse, actrice, même femme d'affaires, elle a beaucoup de casquettes, cette jeune femme. En tout cas, vous la retrouverez tout à l'heure avec un autre titre, parce qu'on l'aime beaucoup sur Arc-en-Ciel. Un duo interprété avec Lysine Naïs. 96.2, c'est la bonne fréquence, le maximum de soleil jusqu'à 20h, et c'est votre émission Groupe Tropical. Juste un soleil levé, où je me rends niveau. Arc-en-ciel 96.2 de votre émission Groupe Tropical. C'était une ambiance carnaval en Haïti carrément avec le groupe Karimi et Tony Mix. Moi j'adore, hein, ça met l'ambiance. Ambiance carnaval qu'on retrouvera tout à l'heure avec Ambiance Carnaval en Guadeloupe. Tiens oui, ça va être le thème du jour. En attendant, elle nous en manque un petit peu quand même finalement depuis une quinzaine de jours. Fanny J, extrait de son tout dernier album. Ma mélodie remplie de... Et c'est ma partition. C'est toi. 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne et c'est votre émission Groupe Tropical. Original de mon cœur, c'est toi, c'est toi. partition qui joue dans mon cœur. FM en couleur. En couleur. Et tu vas scouter, we are scouting, we are scouting, we fait après, arrêtez.

Le compas Orléans, c'est uniquement sur Arc-en-Ciel le jeudi soir entre 18h et 20h. Cet album a une dizaine d'années, mais toujours autant de souvenirs. Allez, on s'en fait du bien, du bon son comme ça. Shabbat, Jakout et les amis avec Concert Lover. Et puis, je vous ai promis tout à l'heure quelque chose, hein, je crois, un duo avec Richelle et puis, comment elle s'appelle, la Missinaï. C'est parti, c'est pour vous. C'est pour tous les fanatiques, si elle veut y aller, parce que je crois que c'est bon. Il y a des jours comme ça, ça patine un peu. Il arrive toujours. 18h, 20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Changer, Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Pas besoin qu'on nègue et nous n'en fait bagaille. Pas besoin qu'on nègue et nous n'en fait des autres. Pas besoin qu'on ait mon monde sac sous notre travail là. Dire oui, c'est crédit. Pas besoin qu'on nègue et nous n'en fait bagaille. Pas besoin qu'on nègue et nous n'en fait des autres. Pas besoin qu'on ait mon monde bois des toits qui bouillent. Dire oui, c'est crédit. Quitte mon jour, bébé, ou fais-nous tous. Fini ou pas, on n'a pas négocié. Sous notre travail là, dire oui, c'est crédit. Pas besoin qu'on nègue et nous ne fait bagaille. Pas besoin qu'on nègue et nous ne fait des autres. Pas besoin qu'on le monde pour des toits qui bouillent. Dire oui, c'est crédit. I'm always thinking about you and how much I say. Pas besoin qu'on nègue et nous n'en fait bagaille. Pas besoin qu'on nègue et nous n'en fait des autres. Pas besoin qu'on aime mon petit sac sous notre travail là. Dire oui, c'est crédit. Pas besoin qu'on nègue et nous n'en fait bagaille. Pas besoin qu'on nègue et nous n'en fait des autres. Pas besoin qu'on aime mon bord des toits qui bouillent. Dire oui, c'est crédit. Nobody has to know though if I give you that flow though. Bagaille, ça va, c'est bagaille, ça va. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Change. petite nouveauté pour vous dans le 4 sur le 96.2 dans votre émission Groove Tropicale. La demoiselle s'appelle Priscilla Arnaud, on la connaît, Priscilla quand même. Le titre c'était Aimer à nouveau. Tiens, une petite page Zoukritro, ça me fait dire, ça me fait drôle de dire Zoukritro parce que c'est vrai que c'est pas si vieux. C'était dans les années 2000. Écoutez ça, je suis sûre que vous avez dû beaucoup, beaucoup, beaucoup danser sur ce titre. Comme moi. Esquisse avec Obi. 18h-20h, votre émission Groove Tropical.

Dans votre émission Groove Tropical, l'un des albums, des meilleurs albums hein, de cette année 2025, en compas avec le groupe Class. On attend le live, hein, parce que ça doit déchirer, hein, ça on peut dire. En tout cas, tous les titres sont très très bons, difficile de choisir quand même, entre plusieurs morceaux. Tout de suite, on va continuer avec le groupe Zinglin, Zinglin qui sera sur la scène de l'Espace Chevreuil le 1er février prochain. Concert, on va pas rater. Ils sont quand même très rares sur la capitale. Extrait de leur tout dernier album. 18h-20h, groupe tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. La vie c'est un mystère, qui est moun bagalil comme vaisseur. Parfois nécessité, à faire entrer n'importe côté. Compétences sont tellement au niveau, yo bêtise ou va comme son beau. Yo passe ou va bien. Fait pas bon, d'ailleurs, il y a fait loin jour. Ça qui pima bal passé, c'est au cap immunisé. L'île est l'état pour encourager, si la café j'ai force à préjugé. Tout le monde bon côté ou commencé, bon côté arrivé si je sois bon Dieu. Bon Dieu d'Aïtala, Ayama, avec intelligence. C'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Avec ma zone de nuit, me laver toute pour épargner moi. Oula, jette le sort sur moi peut-être. Mon cabine folle, mon cabine pète. De ma vie, t'es tout ce que j'attendais. T'es mon meilleur ami, le seul qui me connaît. J'pense à toi tout le temps, j'ai trop de sentiments. Nous deux on se ressent, on se ressent. Entre nous c'est trop tout, trop tout. Oh, ah. Entre nous c'est trop. T'as tout ce qu'il faut. On se comprend, pas besoin de se parler. Juste un regard échangé, c'est carré. Tu sais que je suis à toi. À toi. Entre nous c'est trop, tout, trop, tout. Oh, ah. Entre nous c'est trop, tout, trop, tout. Oh, ah. Pour moi t'as tout ce qu'il faut.

t'es obligé d'abandonner. Même si qu'elle est moins qu'à fond de vie. Je n'ai qu'à bien fond de oui. Qui avion qui a été collé, tout le monde était cisé, mais avion ça prend ballon, bien c'est à vos postes, on signe tombé, pas ni bouger, puis avion déroulé, nous pas jamais été parlé, jusqu'à temps il posé. J'ai avion posé, oui. Dernier album, enfin c'est pas un album, hein, c'est un single d'Albéric Louison, ambiance compa avec ce titre Notre Histoire, sur le 96.2 la musique continue si on veut, oui bien sûr, l'ambiance T-Vice, avec Pac Attack, 18h-20h votre émission Grosse Tropicale. Dans un business c'est compliqué, mais nous là n'a pas qu'à s'arrêter. Vice la get vice la fonke, di un da kol e pin pose. Na fe lo be tout kote, il champion le nouvle, ya ke swa kote nye. Retirez pied, Come

sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Ça fait un moment que je fréquente les boîtes de nuit et les spot bars. Et pour une fois, je me suis trouvé sidéré devant une telle beauté. S'agit-il de destin ou de ces hasards que nos regards ainsi se sont croisés ce soir? Et deux mois à propos, pourquoi nous deux à cet endroit? Dans ce jour-là, cela reste encore un mystère. Et deux mois à propos, pourquoi nous deux à cet endroit? Tes amis racontent que tu ne voulais même pas venir. Je vais te laisser. En sortant, je ne suis jamais dit que ce jour serait plus que béni. Et si je pouvais voir le futur, j'aurais mis mon meilleur costume. Thank you. Ah, sacré duo quand même, hein. New Look, Harry La Rivière et Monsieur Zoé Doitiné. Le grand monsieur. Bon, bah, en tout cas, il est presque 20h sur la FM, tout en couleur. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve bien jeudi prochain, bien entendu. Même heure, même fréquence, même soleil. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de soirée, un très très bon week-end et à la prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye. La FM en couleur. Dessas, e por isso é, lá está, é um jogo que nesta fase não está muito bonito, ou seja, o jogo da primeira parte.